sorti de misère cosmique. Le mosachim n'est pas son pratique. Ça va chauffer dans les cafetières. C'est pire, ça va être un enfer. Sortons les plumes, les pouces et les chapeaux. Que la couleur dépeigne nos idéaux. Ça va chauffer au presbytère. Les hommes se frottent au creux de leurs reins. Ça va chauffer sur notre terre. Cette nuit c'est open bar en enfer. Les corps se mêlent au rythme diabolique. Les corps fusionnent au son de la rythmique. Ça va chauffer dans l'univers. Cette nuit c'est la dernière de l'enfer. Au sein de ma modeste demeure, tout ce qui est à votre vue est à votre disposition. Profitez, dansez, transpirez, vibrez. Il faut pas que ça s'arrête. Vas-y, pousse le son à fond. La transe va nous faire un don. Personne ne peut arrêter ma fête. Et surtout pas ces religions d'opérette. Personne ne peut arrêter ma fête. Tournez la tête, tournez la tête. C'est jour de fête, le jour de la tête. Tournez la tête, tournez la tête. Déposer la barre des marionnettes qui cultivent en nous la soumission et nous gangrènent avec passion. Oui, tous ces dieux n'existent que dans nos têtes. Alors il est temps de faire place nette, libérons nos têtes de leurs démons.